10 bis, 3ème. Bon, partition, ici. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et à chaque fois, plusieurs fois comme ça, c'est tout. Tu peux les faire tous à la file en prenant des temps. Hein? Tu en fais une dizaine. Hein? Et ici, on truc le son. Bon, je respecte pas le chrono. Je vais non, faire séparer. Mais bien détacher les deux. D'accord. Moteur. Alors, premier groupe.